Grosse activité à Dolbeau-Mistassini en fin de semaine, c'est le Challenge cycliste des Bleuets. C'est une belle activité, entre autres. Question de savoir un peu, parce que ça prend une expansion de plus en plus. On parle avec le responsable de l'activité, Paul Morel. Salut, Paul! Oui, bonjour, Danny. Paul, j'ai raison de dire que c'est une belle activité qui prend de plus en plus d'ampleur, hein? Absolument, tu as tout à fait raison. Écoute, effectivement, c'est une. On en est à notre troisième édition. Donc, à partir de ce moment-ci, je peux dire que l'activité prend de l'ampleur. On est présent de plus en plus sur le circuit cycliste provincial. Et je pense qu'on fait notre nom aussi en même temps. OK. Sais-tu beaucoup d'organisations organiser la logistique? Parce que j'imagine qu'il va y avoir des centaines de cyclistes en fin de semaine à Dolbeau-Mistassini. J'imagine que, bon, ça prend de la coordination, le trajet, s'entendre avec les policiers pour assurer la sécurité, et ainsi de suite. Écoute, c'est un travail, nous, là, pour te donner une petite idée, Danny, c'est que dès que le challenge se termine, là, donc l'événement a lieu le 4 septembre, dimanche 4 septembre, avec le départ à 8 heures devant l'hôtel de ville. Alors, dès que l'événement se termine, on donne une petite semaine là, de pause, prendre des notes aussi pour améliorer notre prochain événement qui suit, en fait. Et à partir de ce moment-là, on se met déjà donc en route pour préparer la prochaine édition, soit celle de 2017. Donc, ça se prépare un an à l'avance. Okay. C'est beaucoup de préparation, effectivement, oui. OK. Comment cycler cette année? Écoute, on s'attend à au-dessus de 220 cyclistes là, qui seront au départ dimanche matin. OK. Et et je disais dans le Nouvel Hebdo hier, dans l'édition, que beaucoup viennent de l'extérieur. Hein? Écoute, Danny, je t'invite à aller consulter notre site internet www.challengecyclistesdesbleuets.com. Va, clique sur l'onglet inscription et tu as la liste. Tu peux voir la liste des inscrits pour chacun des pelotons, incluant le relais. Et regarde là d'où proviennent les gens. Tu vas voir, c'est impressionnant comment on a de gens qui proviennent de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, OK. Donc ça, c'est vraiment, je vais le faire au cours des prochaines heures. Hey, Paul, comment t'expliques ça, cette popularité-là? C'est-tu le fait que la véloroute, parce qu'on me dit que la véloroute de Bleuet, là, moi je suis pas un cycliste, mais on me dit là, que c'est devenu au fil des années probablement la plus belle piste de vélo du Québec, même avant celle des Laurentides. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que la région a une bonne réputation du côté de son hospitalité, de la publicité que vous avez faite, ou toutes ces réponses? Ben écoute, je vais y aller avec toutes ces réponses. Ouais. T'as sorti pas mal, Danny, tous les bons éléments. Alors, d'un, effectivement, la véloroute, là... La véloroute est un bon messager là, pour tout ce qui est cycliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si nous, comme tu le sais, le challenge ne se déroule pas sur la véloroute des Bleuets, on est quand même là, de par la véloroute, on est étiqueté comme une région où le vélo a sa place, a son importance. Alors, c'est certain que ça aide beaucoup à l'événement. Je pense que la qualité de l'organisation, écoute, je te cacherai pas que nous, avant d'offrir à chaque année la possibilité aux cyclistes là, de pratiquer ou de participer à cet événement-là, faut avoir l'autorisation de la Sûreté du Québec et du ministère du Transport. Alors donc, on doit répondre à leurs critères. Et lorsqu'on répond à leurs critères, ben écoute, inévitablement, hein, ça devient quelque chose d'assez professionnel, dans le sens que bon, ben, c'est sécuritaire. Et en plus, qu'on a des véhicules d'urgence qui chacun des pelotons, un véhicule balai, des encadreurs, des commissaires parce qu'on est fédérés. Alors écoute, c'est quand même beaucoup d'items, là, et les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils roulent aussi avec nous. Puis de ce genre de challenge-là au Québec, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein? Écoute, des événements cyclosportifs au Québec, il y en a beaucoup. OK. Par contre, avec l'encadrement qu'on offre, je te dirais que il n'y en a pas beaucoup. Je t'invite, tu sais qu'à la fin de notre activité, on a un souper qui est inclus là, avec tous les cyclistes. Alors, je t'invite à venir jaser avec les gens après l'événement. Moi, là, à chaque année, à chaque année, les deux éditions précédentes, les gens venaient me voir, écoutez, M. Morin, j'ai participé à 6 cyclos sportives cette année. C'est de loin là la celle qui est la mieux organisée, où on se sent le plus à l'aise. Alors, je pense que ça vaut la peine de venir jaser avec le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de souper-là à la fin, pour que les gens, justement, prennent le temps de jaser un peu de leur expérience. OK. Donc, vous allez avoir en plus une belle visibilité, parce que tu nous disais ça cet été, c'était pas en préparation d'entrevue, mais tu me l'as dit cet été, plusieurs ambassadeurs du vélo de montagne vont participer à l'événement. Il y a Yvan Martineau, que l'ancien chroniqueur de sport qui a une émission à TVA qui sera là, qui va participer à cette compétition-là. Et il y en aura d'autres aussi. Ben écoute, effectivement, on a, en vélo de route actuellement, vraiment un des plus grands porte-parole de vélo de route cette année. Et Yvan Martineau, comme tu le sais, Yvan Martineau a son émission à TVA et TVA Sport, est chroniqueur à la radio à Montréal aussi. C'est un gars qui est très impliqué au niveau du vélo de route. Alors, Yvan est notre invité d'honneur cette année, donc il va être sur place. Il a parlé beaucoup de nous autres. Entre autres, on a eu des belles mentions à l'émission Salut Bonjour le matin à TVA, on a été dans les 3 événements cyclosportifs au Québec, à vivre en 2016, alors ce qui n'est pas rien. Donc, on a été comparé, si tu veux, on a été dans les 3 avec l'édition de la cyclosportive qui se déroule, c'est à Mauricie, si je me souviens bien. Okay. Et puis l'autre avec la Grande Boucle, Pierre Lavoie. Alors, on a été dans ces 3-là. Là. Alors, quand on considère qu'il y a au-dessus de 150 événements cyclosportifs au Québec et qu'on nous qualifie comme l'un des 3 beaux événements à vivre durant l'été 2016, écoute, c'est une belle visibilité. On était présent au Salon du vélo de Montréal, alors belle visibilité pour notre municipalité. Salon du vélo de Québec, la revue Vélo Mag. Alors, c'est un gros impact. OK. Bon, mais il n'y en avait pas d'autres aussi à Yvan Martineau, mais tu ne m'avais pas dit qu'il y en aurait 3. Oui, en fait, il y en a 2 confirmés. Il y en avait un troisième qu'on attendait, mais malheureusement, il n'y a plus de présenté. Mais on a aussi l'humoriste bien connu, et qui était aussi, en passant, porte-parole de la Grande Boucle Pierre Lavoie cette année, où il y a eu près de 8000 cyclistes. Ouais. Alors, évidemment, on parle de l'humoriste Philippe Labrise, qui est originaire de Boone-Spassini. Okay. Alors, Philippe va participer à l'événement le 4 septembre. OK. Bon. Le trajet commence samedi matin. Il va commencer où? S'arrête où? Puis ça va, parle-moi du trajet. Oui. OK, absolument. Alors, Denis, le départ est à 8h devant l'hôtel de ville de Boone-Spassini. On emprunte le boulevard Warburg et on embarque sur la route régionale en direction de Saint-Félicien. Ensuite, on continue vers Roberval, Héberville, on revient vers Alma, Péribonka, jusqu'au retour à Boone-Spassini, tout ça par la route régionale. Donc, c'est le tour du lac Saint-Jean, dans le sens anti-horaire, si tu veux. Alors, évidemment, là, la circulation routière, en passant, va être perturbée un petit peu là, lors de cette journée-là. On s'assure que les gens sont bien au courant. On a fait des mentions à travers différents médias. Donc, c'est important de le mentionner. OK. En terminant, j'imagine que c'est... Écoute, là, faut être en forme pour faire cette... C'est pas de la compétition, mais faire le vélo, faire le tour de l'accident, quoi, en une journée... Ouais. Normalement, ça prend 2 à 3 jours à un rip bien tranquille. Ouais. Là, une journée, c'est pas n'importe qui peut aller là non plus. Oui, effectivement, c'est un bon point, là, Danny. Écoute, on ne se cachera pas. Là. Quand on tient en famille, le tour du lac Saint-Jean via la véloroute, c'est une belle destination, un beau voyage à vivre en 3 jours, prendre le temps de visiter, etc. Oui, nous, ce qu'on offre, c'est 203 km en une journée. Alors, donc, on fait le tour du lac Saint-Jean à vélo en une seule journée. C'est un bon contrat. C'est pour ça qu'on l'offre en fin de saison, pour que les gens aient le temps de bien se préparer, bien s'entraîner. Et oui, effectivement, là, ça, c'est ouvert aux cyclistes aguerris. Il faut être capable de faire 200 km en une journée, là... ça aille un bon entraînement, effectivement. OK. Dernière question, Paul. Vous avez de 30 à 220 cyclistes. Y a-t-il une limite de cyclistes que tu peux atteindre? Tu dis, garde, passez ça, là. C'est pas bon pour l'organisation, c'est pas bon au niveau de la sécurité, c'est même un petit peu dangereux. Y a-t-il une limite? Ben, comme tu l'as mentionné tantôt, évidemment, on est limité. Évidemment, le ministère du Transport de la Sûreté du Québec, avec raison, donc passe le critère de la sécurité en premier lieu. Okay. Alors, pour avoir un contrôle sur les gens qui sont à vélo, pour ne pas trop nuire aux automobilistes et se retrouver avec des longs pelotons, oui, il faut respecter un nombre limité là, de cyclistes. Alors, actuellement, je te dirais qu'à 220, présentement, c'est dans les discussions qu'on a eues, c'est pas mal là, la limite qui a été ciblée. Et à chaque année, après l'événement, ce qu'on fait, lorsqu'on fait une petite rencontre de bilan, écoute, on peut-tu, est-ce qu'on est bon pour ajouter une dizaine de places pour l'an prochain? Alors, on évalue au fur et à mesure. OK, OK. Paul, la semaine prochaine, j'aimerais ça que tu reviennes parce que c'est la rentrée. Évidemment, qui dit rentrée dit une panoplie de cours à gestion pidon. Pas juste au niveau culturel, mais au niveau sportif. J'aimerais ça qu'on fasse un tour de ce que vous offrez pour le sport. Écoute, on prendra sûrement le temps de vous mentionner tout ce qu'on offre, mais aussi, je pense, ça va valoir la peine, Danny, de vous mentionner aussi tout ce qui s'offre avec nos organismes partenaires. Hein. Tu sais que nous, évidemment, on offre certaines choses. Par contre, ce sont des organismes comme, je te donne un petit exemple, les clubs de natation, les clubs de judo, de taekwondo, de karaté. Alors, tout ça, ce sont des organismes partenaires aussi, qui sont aussi présents et qui ouvrent leurs portes à toute la population. Alors, effectivement, là, on prendra le temps de...